Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Haïti. Hablar de Haïti, vaya por Dios, otra vez. C'est ce que vous allez penser. Mais je vais essayer de vous donner des informations en français, pour changer un peu. Alors, que vais-je vous dire? Eh bien, Haïti, officiellement, c'est la République d'Haïti. C'est un pays des Grandes Antilles qui occupe le tiers occidental de cette fameuse île Hispaniola, qui mesure environ 28 000 km². Par comparaison, je vous signale que la Belgique fait 30 000 m². La capitale d'Haïti est Port-au-Prince, avec environ 2 millions d'habitants. Et une autre ville se détache du reste, c'est Cap-Haïtien, avec 800 000 habitants. La population, vous le voyez, est assez abondante, près de 9 millions d'habitants. Et en Belgique, nous avons un petit peu plus de 10 millions d'habitants, ce qui donne une densité au kilomètre carré d'environ 300 habitants. C'est énorme. L'administration de Haïti, elle est assez curieuse, car le pays est divisé en 10 départements, comme la France, avec un 11e département qui représente les 2 millions d'Haïtiens en diaspora. C'est le département de l'extérieur. Du point de vue linguistique, vous savez que Haïti est un pays francophone, qui est resté francophone. On dit en Haïti, on ne dit pas à Haïti, mais en Haïti, parce qu'il s'agit d'un pays, comme on dit en France, en Belgique. Par comparaison, on dit à la Martinique, à la Réunion. C'est donc un pays. Par contre, vous le voyez, on dit toujours à Madagascar, qui pourtant est un pays. Vous voyez, la langue française, comme d'habitude, a ses petits secrets. Haïti devint en 1804 la première république indépendante de la population majoritairement noire, après une révolution qui obligea une armée de Napoléon, un détachement de l'armée de Napoléon, Bonaparte, à abandonner l'île. Ce fut la première révolte d'esclaves réussie dans le monde moderne. Et de là naquit la première république noire libre du monde, qui succéda à cette colonie française qui s'appelait Saint-Domingue. La France perdit alors sa colonie la plus prospère. Je vous renvoie à la lecture d'un excellent livre écrit par des historiens, Pierre Branda et Thierry Lantz, qui s'intitule « Napoléon, l'esclavage et les colonies ». Il a été publié en 2006 aux éditions Fayard. En 1790, la population de la colonie comportait environ 500 000 personnes, dont 38 000 d'origine européenne et 28 000 d'origine noire, la plupart mulâtres. Donc, dans les années qui ont précédé le XXe siècle, nous étions déjà à une population forte d'environ un demi-million de personnes. Haïti est donc le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. Les autres, qui ne sont pas des pays indépendants, ne souhaitent pas être indépendants. Vous avez peut-être entendu parler d'une votation, d'une consultation non officielle dans les Caraïbes françaises, en Martinique et en Guadeloupe, à la Martinique et à la Guadeloupe, pardon, et qui a mis en valeur un refus d'indépendance. Pour la géographie physique, nous dirons que Haïti est principalement constitué de terres montagneuses et d'une série d'îles qui se répartissent autour de l'île principale. Le climat est tropical, ce qui veut dire que les pluies sont très abondantes d'avril à juin et d'octobre à novembre. Les ouragans sont fréquents et aggravent des conditions de vie qui sont parfois difficiles. Et qui anéantissent parfois les cultures, en particulier la culture des bananes. Que dire des Européens et de la colonisation? Eh bien, Christophe Colomb est arrivé le 5 décembre 1492 dans cette fameuse île, la Hispaniola, qui comptait, pense-t-on à l'époque, 100 000 habitants. Les Espagnols exploitèrent d'abord l'île pour son or, et malheureusement, l'arrivée des Espagnols apporta aussi des maladies qui ravagèrent la population indigène. Et c'est alors que les Espagnols firent venir d'Afrique des esclaves noirs déportés. Et d'ailleurs, dès 1517, Charles Quint autorise ce qu'on appelle habituellement la traite des Noirs, c'est-à-dire le transport d'esclaves noirs vers l'Amérique pour le travail. Les Espagnols délaissèrent l'île et ce sont des aventuriers français venus principalement de Normandie, qu'on appelait les boucaniers, qui s'y installèrent malgré quelques expéditions militaires espagnoles qui tentaient de récupérer l'île. Donc, au XVIIe siècle, sous l'autorité du cardinal Richelieu, les Français créèrent la future Saint-Domingue et ce ministre fit venir des colons français qui s'engageaient à travailler pendant 3 ans avant de devenir propriétaires des terres qui leur étaient attribuées. On les appelait les 36 mois. À l'époque, on favorisa la plantation du tabac et peu à peu, cette population de flibustiers et de boucaniers se sédentarisa et on fit même appel à des colons de Martinique et de Guadeloupe. Chers amis, je m'arrête là. Nous allons écouter une petite chanson et puis ensuite je reprends. Je vous raconte la suite. À tout de suite. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr, les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusillé. On dit qu'ils sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de... Chers amis, rebonjour. Nous avons laissé Haïti dans sa première phase de colonisation sous Louis XIV. Vous savez que Louis XIV avait un excellent ministre qui s'appelait Colbert. Et ce Colbert, voyant que les plantations de tabac ne donnaient pas les résultats escomptés, que la flibuste reprenait et les pillages également, il essaya de ramener l'ordre avec de nouvelles créations de plantations. On commença à planter dans l'île l'indigo et la canne à sucre. On commença à créer des moulins à sucre. Et Louis XIV, qui tout de même... Il ne faut pas l'oublier, avait des directeurs de conscience, Dieu merci, fit promulguer un code qu'on appelait le code noir, sur lequel, à propos duquel, il faut tout de même s'arrêter un petit peu, puisque ce code était une loi destinée à protéger l'importation, la venue des travailleurs noirs sur l'île. Ce code, malheureusement, n'a pas toujours été appliqué, mais il a eu tout de même le mérite d'exister et il représente une certaine avancée humaniste et, disons, humanitaire. Quand Philippe V, donc le petit-fils de Louis XIV, monte sur le trône de l'Espagne, eh bien, les Espagnols renoncent à la souveraineté de l'île et la France devient définitivement la partie de l'île que la France va garder devient définitivement Saint-Domingue. Saint-Domingue est une île qui est riche grâce à ses plantations sucrières et grâce, bien sûr, au travail des milliers d'Africains qui étaient appelés à mener là pour travailler. Quand les guerres éclatent partout en Europe à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, le commerce avec les îles se paralyse et un grand nombre de colons français vont quitter Saint-Domingue pour la Louisiane. La Révolution passe, c'est le désordre en Europe, c'est le désordre en France, et Napoléon, qui va essayer de remettre tout en ordre, va être obligé de renoncer à son rêve colonial. Et vu que l'Angleterre était en train de montrer sa force, la France va se voir obligée à vendre la Louisiane, qui était devenue inutile, et à renoncer peu à peu à cette île qui était une perle pour l'économie de la France. Et qui va prendre la relève ? Eh bien, ce sont les États-Unis qui vont commencer leur marche vers l'hégémonie que Napoléon avait prévue pour le XXe siècle et pour le suivant, c'est-à-dire dominer le monde. Que pouvons-nous dire de Haïti au XXe siècle du point de vue historique ? Eh bien, que c'est un pays en état d'insurrection quasi permanente. De 1915 à 1934, ce sont les troupes des États-Unis qui envahissent l'île, prétendant contrer l'influence de l'Empire allemand. Mais l'instabilité politique ne s'achèvera que vers 1957, avec la dictature de la fameuse famille Duvalier jusqu'en 1986. Et cette dictature sera suivie d'une alternance avec ce fameux Bertrand Aristide, un prêtre défroqué qui prétendit remettre les choses en ordre, mais qui n'y arriva pas spécialement et qui dut laisser la place alternativement à un autre personnage qui s'appelle René Préval. Jusqu'en 2006, ce sera la valse des présidents. Et on peut se demander pourquoi cette valse des présidents. Eh bien, tout simplement parce que les tontons Macoutes, qui avaient été institués par la famille Duvalier, avaient écrasé l'île et peu à peu, cette île a essayé de retrouver son indépendance. Et on sait que dès 1949, elle a commencé à former son élite et qu'elle a essayé de chercher, grâce à ses propres ingénieurs, ses propres ressources économiques, en particulier des ressources minières. Vous savez que Haïti est un pays gorgé de pétrole dont la nappe s'étend jusqu'au Venezuela. Or, les États-Unis ont jeté leur dévolu sur toute cette richesse. Alors, vous comprendrez que Haïti, qui regorge de matières premières, est devenu un enjeu économique à cause de son sous-sol. Effectivement, l'agriculture est extrêmement pauvre. C'est une agriculture de subsistance qui sert aussi parfois à l'exportation, dans certains cas, par exemple pour le café, le cacao, le sisal, mais c'est surtout une agriculture vivrière qui a l'avantage de profiter de deux récoltes par an pour le riz, pour le maïs et pour les patates douces. Ce sont les avantages du climat tropical, même si le blé est absent, bien sûr, sous ces latitudes. Les ressources en matière première d'Haïti, quelles sont-elles ? Eh bien, le pétrole, l'or et également un métal très rare du groupe du platine qui est utilisé dans l'industrie militaire et qui s'appelle l'iradium. On trouve aussi certains gisements de bauxite, de cuivre. Et il existe aussi des gisements qui sont encore fermés, mais dont on connaît parfaitement l'existence, des gisements de cuivre et d'or. Alors vous vous dites, mais tant de richesses, comment se fait-il qu'elles ne soient pas exploitées ? La raison, bien sûr, est d'ordre politique, car Haïti est considéré comme l'arrière-cour du grand voisin des USA. Le pétrole haïtien existe, il est là, et les États-Unis le considèrent comme une réserve en cas de pénurie. Des tentatives ont été menées à bien pour l'exploitation, mais dans la plupart des cas, elles ont échoué et ont même terminé par la mort de certains personnages qui étaient gênants. Vous trouverez toutes ces informations sur un site extrêmement intéressant qui est tout simplement Wikipédia. Voyez ? Très simple. Ce sont donc des notions qui sont à la portée de tous et qui sont extrêmement compréhensibles. Haïti pense cependant que son sort devrait être réglé en dehors du sort de son voisin. Et le tourisme, me direz-vous, eh bien traditionnellement, c'est une source importante de devises, mais il est extrêmement affecté en ce début de millénaire par la publicité négative due aux alternances politiques, à l'instabilité gouvernementale et aussi à la pauvreté. Et maintenant, en plus, quelle tristesse. Enfin, voyez, Haïti, c'était une perle. Le redeviendra-t-elle ? On espère que oui. Au revoir, mes chers amis. À la semaine prochaine.